Unité 8. Conversation. Écoutez. Françoise et Paul sont à la gare. Ils doivent aller à Lyon. Ils doivent prendre le train de 10 heures. Ils regardent le tableau des départs. Maintenant, il est 9h30. Leur train est au quai 13. Répétez. 1. Françoise et Paul sont à la gare. 2. Ils doivent aller à Lyon. 3. Ils doivent prendre le train de 10 heures. 4. Ils regardent le tableau des départs. 5. Maintenant, il est 9h30. 6. Leur train est au quai 13. Répondez, répétez. 7. Où sont Françoise et Paul? 8. Françoise et Paul sont à la gare. 9. Où doivent-ils aller? 10. Ils doivent aller à Lyon. 11. Quel train doivent-ils prendre? 12. Ils doivent prendre le train de 10 heures. 13. Que regardent-ils? 14. Ils regardent le tableau des départs. 15. Quelle heure est-il? 16. Maintenant, il est 9h30. 17. Sur quel quai est leur train? 18. Leur train est au quai 13. Écoutez. Paul, quelle heure est-il? Il est 9h30. Avons-nous le temps d'aller au buffet? Oui, nous pouvons aller boire un café. As-tu un jeton de téléphone? Sans doute. Je dois téléphoner au bureau avant de partir. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu Marie-France? Non, je préfère Paris Match. Paul va acheter les journaux. Françoise va téléphoner. Répétez. 19. Paul, quelle heure est-il? 20. Il est 9h30. 21. Avons-nous le temps d'aller au buffet? 22. Oui, nous pouvons aller boire un café. 23. As-tu un jeton de téléphone? 24. Sans doute. 25. Je dois téléphoner au bureau avant de partir. 26. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu Marie-France? 27. Non, je préfère Paris Match. 28. Paul va acheter les journaux. Françoise va téléphoner. Répondez, répétez. 29. Paul, quelle heure est-il? 30. Il est 9h30. 31. Avons-nous le temps d'aller au buffet? 32. Oui, nous pouvons aller boire un café. 33. As-tu un jeton de téléphone? 34. Sans doute. 35. Françoise, que dois-tu faire? 36. Je dois téléphoner au bureau avant de partir. 37. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu, Marie-France? 38. Non, je préfère Paris Match. 39. Que font alors Paul et Françoise? 40. Paul va acheter des journaux. Françoise va téléphoner. 41. Paul et Françoise montent dans une voiture. 42. Ils cherchent deux places libres. 43. Pouvons-nous fumer dans ce compartiment? 44. Oui, c'est un compartiment fumeur. 45. Puis-je ouvrir la fenêtre? 46. Oui, monsieur, vous pouvez. Il fait chaud. 47. À quelle heure arrivons-nous à Lyon? 48. Nous arrivons à Lyon à 14h30. 49. Les voyageurs peuvent-ils manger dans ce train? 50. Oui, il y a un wagon-restaurant. Répondez, répétez. 51. Que font maintenant Paul et Françoise? 52. Paul et Françoise montent dans une voiture. 53. Que cherchent-ils? 54. Ils cherchent deux places libres. 55. Pouvons-nous fumer dans ce compartiment? 56. Oui, c'est un compartiment fumeur. 57. Puis-je ouvrir la fenêtre? 58. Oui, monsieur, vous pouvez. Il fait chaud. 59. À quelle heure arrivons-nous à Lyon? 60. Nous arrivons à Lyon à 14h30. 61. Les voyageurs peuvent-ils manger dans ce train? 62. Oui, il y a un wagon-restaurant. Écoutez. 63. Paul, quelle heure est-il? 64. Il est 1h15. 65. Il y a encore un peu plus d'une heure de voyage. 66. As-tu téléphoné à Pierre? 67. Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. 68. Il doit venir à l'arrivée du train. Répétez. 69. Paul, quelle heure est-il? 70. Il est 1h15. 71. Il y a encore un peu plus d'une heure de voyage. 72. As-tu téléphoné à Pierre? 73. Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. 74. Il doit venir à l'arrivée du train. Répondez, répétez. 75. Paul, quelle heure est-il? 76. Il est 1h15. 77. Y a-t-il encore une heure de voyage? 78. Il y a encore un peu plus d'une heure de voyage. 79. As-tu téléphoné à Pierre? 80. Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. 81. Doit-il venir à l'arrivée du train? 82. Il doit venir à l'arrivée du train. Écoutez. Salut. Avez-vous fait bon voyage? Oui, nous avons fait bon voyage. Avez-vous déjeuné? Oui, nous avons déjeuné au wagon-restaurant. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Il est déjà 3h moins le quart. Nous avons rendez-vous place Bellecour à 3h15. As-tu laissé ta voiture au parking de la gare? Non, j'ai laissé ma voiture au garage. Alors nous devons prendre un taxi. Que faisons-nous de nos bagages? Je peux déposer vos bagages à l'hôtel. Ça va? Très bien. À ce soir. Répétez. 83. Salut. 84. Avez-vous fait bon voyage? 85. Oui, nous avons fait bon voyage. 86. Avez-vous déjeuné? 87. Oui, nous avons déjeuné au wagon-restaurant. 88. Voulez-vous boire quelque chose? 89. Non, merci. Il est déjà 3h moins le quart. 90. Nous avons rendez-vous place Bellecour à 3h15. 91. As-tu laissé ta voiture au parking de la gare? 92. Non, j'ai laissé ma voiture au garage. 93. Alors nous devons prendre un taxi. 94. Que faisons-nous de nos bagages? 95. Je peux déposer vos bagages à l'hôtel. Ça va? Très bien, à ce soir. Répondez, répétez. 97. Avez-vous fait bon voyage? 98. Oui, nous avons fait bon voyage. 99. Avez-vous déjeuné? 100. Oui, nous avons déjeuné au wagon-restaurant. 101. Voulez-vous boire quelque chose? 102. Non, merci. Il est déjà 3h moins le quart. 103. À quelle heure avez-vous rendez-vous place Bellecour? 104. Nous avons rendez-vous place Bellecour à 3h15. 105. As-tu laissé ta voiture au parking de la gare? 106. Non, j'ai laissé ma voiture au garage. 107. Alors, que faites-vous? 108. Alors, nous devons prendre un taxi. 109. Que faisons-nous de nos bagages? 110. Je peux déposer vos bagages à l'hôtel. 111. Ça va? 112. Très bien. À ce soir.